vécu dans beaucoup trop de bails. Tous les jours on fait rentrer la maille. J'ai mal, je dois cacher mes failles. Oh bébé, j'ai pas d'ennui. Je souris mais j'ai plein d'ennui. Je vais viser en plein dans le mille. Je vais viser en plein dans le mille. Je suis pas loin du mille. Ma chérie elle est bonne, elle est mimi. J'avais promis que les bêtises c'est fini. C'est sous les draps qu'on se réconcilie. Trop de problèmes dans la tête. J'ai les sous, je peux pas voyager. Bébé ne me prend pas la tête. Sinon ça va pas marcher. Elle veut trouver mes faiblesses. Don't panic baby, God bless. Je noyais mes peines dans le bonnet. Remets de la cheese dans mon gobelet. Elle veut trouver mes faiblesses. Don't panic baby, God bless. J'ai noyé mes peines dans le bonnet. Remets de la cheese dans mon gobelet. On n'a plus de temps, ouais. Plus de temps, toi et moi c'est évident. T'es méchant, pas souvent les évitants, ouais. J'ai mis du temps dans son cœur, j'suis résident, ouais. Seul résident, ouais. Ok, ok, j'ai compris. Maintenant j'vais rien lâcher. Bébé se quitte parasite, j'vais m'en débarrasser. Ok, ok, j'ai compris. Maintenant j'vais rien lâcher. Bébé se quitte parasite, j'vais m'en débarrasser. Je comptais sur elle, mais quand c'était noir, elle a pas lâché. Ma baby trouve que c'est la plus belle, donc son petit cœur, je l'ai arraché de son petit corps. Putain, j'aime trop son body. On a fait tout ce qu'on s'est dit. Ceux qui parlent trop son body. Hey, yeah. Pas le time, madame a trop de fringues, trop de sacs, trop de gars. Bang, bang, bye, bye, on possède trop de flingues, trop de lames. Lundi, shopping, mardi, shooting, plus de vie. Grande vie de folie. Est-ce que je suis die for me? J'ai trouvé mes faiblesses. Don't panic baby, God bless. J'ai croyé mes peines dans le honnet. On met de la tisse dans mon gobelet. Elle veut trouver mes faiblesses. Don't panic baby, God bless. J'ai noyé mes peines dans le honnet. On met de la tisse dans mon gobelet. On met de la tisse dans mon gobelet. Plus de temps, toi et moi c'est évident. Les méchants passent aux les évitants, ouais. J'ai mis du temps dans son cœur, j'suis résident, ouais. Seul résident. J'ai compris. Maintenant je vais rien lâcher. Bébé se quitte parasite. Je vais m'en débarrasser. Ok, ok, j'ai compris. Maintenant je vais rien lâcher. Bébé se quitte parasite. Je vais m'en débarrasser.